Toujours à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le journal Nizhegorodskaya Pravda, numéro 92, l'agence de presse Develos, l'agence de presse d'internet Yelpei Dewe, le journal d'internet du territoire de Khabarovsk Zevli Dewe, l'homepage d'internet Amour Presse de Russie ont fait la rédaction spéciale et inséré des écrits. Le journal Nizhegorodskaya Pravda, numéro 92, a imprimé les portraits souriants des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et la photo du respecté camarade Kim Jong-un.